Et comme vous le savez, il y a des grandes et des petites marées. Alors les bateaux, à la force de s'échouer, ben, après, il fallait les remettre dans le rivage. Donc les gens, voilà, ils tiraient le bateau sur la plage, hein, suivant les grandes ou petites marées. Et comme c'était des bateaux en bois, à la force de tirer le bateau sur le sable, ben, la coque, elle s'usait. Et donc, comme ils n'étaient pas riches à ce temps-là, ils prenaient les coques de bateaux pour en faire leur toiture de maison. Voilà l'histoire des quilles en l'air. C'est une belle histoire, hein? Et nous, quand j'ai repris la commune en 1989, on savait pas quoi faire, puis on n'avait pas beaucoup de sous. Et il fallait trouver une idée lumineuse pour refaire le camping. Et donc, on a créé 8 quilles en l'air au fur et à mesure avec des chantiers écoles. Et maintenant, ça fait fureur, les quilles en l'air. Vous les voyez, les quilles en l'air, quand vous descendez à la plage? Voilà. Donc, c'est l'emblème des quilles à plage, les quilles en l'air. Le carnaval, ça fait partie de la vie maritime de la commune. Parce que les marins, ils avaient un dur, très, très dur labeur. Et puis, ben, au moment de carnaval, ils faisaient la fête. Ils faisaient la fête pendant 3-4 jours. Ça leur permettait d'évacuer toutes les misères du monde qu'ils avaient durant leur pêche. Et donc, il y avait le fameux Mardi Gras. Le Mardi Gras, et puis le lendemain, c'est les cendres et on va brûler le mannequin. On a un mannequin. Maintenant, il s'appelle l'Arquin, le mannequin, vous le savez, ça? Donc, on va brûler l'Arquin sur la plage au petit matin. Et puis les carnavaleux, ils dansent autour du feu. Mais les carnavaleux sont presque tous habillés en mousquetaires. Hein. C'est beau les mousquetaires. Hein. Ben, Pec-Pec, c'est le lundi. C'est le lundi pour, disons, amuser les enfants. Au départ, les carnavaleux, ils avaient un poisson au bout de la ficelle. Et puis donc, les gamins ou les gamines, ils étaient obligés de sucer le poisson. Mais maintenant, ça s'est modernisé, ils mettent des bonbons. Hein. Voilà. Généralement, c'est toi un art en sort, parce que c'était salé. Hein. Les mousquetaires, c'est principalement le déguisement des chiens. Principalement, c'est le déguisement des quilles à plage. Parce que c'est une dame qui tenait le restaurant Bouquet, qui un beau jour a tombé sur un livre de couture, et elle a décidé de faire un mousquetaire. Et cette année, on a fêté les 100 ans du mousquetaire. Ça faisait 100 ans que les Équinois revêtaient le costume du mousquetaire. Donc vous savez qui c'est les mousquetaires? Porthos, Aramis, et puis qui c'est le chef des mousquetaires? Alors? Non, c'est pas Monsieur le Maire. C'est D'Artagnan. Vous n'avez pas écouté D'Artagnan? Oh, voilà. Il est en bleu. Comment? Ah, sur les quilles à plage, oui. Ouais, parce que j'ai fréquenté, moi, l'école comme vous. Alors, ce que je me souviens, c'est qu'on avait un directeur d'école qui s'appelait Monsieur Potel. Et il était assez sévère. Et donc, il fallait que, quand la cour de récréation et quand la récréation était terminée, il fallait tous se mettre en rang et puis chanter « Hello, le soleil brille ». Alors, même quand il pleuvait, on chantait « Hello ». Le soleil brille, brille, brille, avant de rentrer dans l'école. Voilà. Hein? Et puis je me souviens aussi pendant la récréation, surtout en ce moment, quand il commençait à faire beau, on jouait en cartes, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de toilettes, mais il y avait des toilettes à l'extérieur. Et c'était des fosses septiques. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une fosse septique. Vous savez ce que c'est? Donc il y avait une certaine odeur. Mais malgré tout, on jouait en cartes tout près des toilettes, parce qu'il y avait du soleil. Et puis on était bien. Bon, enfin. Puis je pourrais me rappeler d'autres choses, mais ça reviendra au fur et à mesure du temps. Hein. Voilà. Vous avez d'autres questions, les enfants? Merci, monsieur. Non, bah, merci d'être venu. Hein.